Andrew et Amanda se rencontrent entre le troisième et le quatrième étage. Amanda vient de mettre en marche son canon à neige parce qu'elle veut glisser sur l'escalier avec son platypus Murphy. Bonjour. Salut, qu'est-ce que tu fais? Je veux glisser sur l'escalier avec Murphy. Amuse-toi bien, mais tu dois faire attention parce que l'escalier se déplace. Quoi? Maintenant? Oui, mais il va s'arrêter dans une demi-heure. Ah oui, c'est bien. Je attendrai 3 minutes avec Murphy. Salut. Au revoir.